pour connaître ce qu'a opéré successivement cette jalousie furieuse entre les ordres, vous n'avez qu'à distinguer les deux temps que je vous ai expressément marqués. L'un, où le peuple était retenu dans certaines bornes par les périls qui l'environnaient de tous côtés, et l'autre, où, n'ayant plus rien à craindre au dehors, il s'est abandonné sans réserve à sa passion. Le caractère essentiel de chacun de ces deux temps est que dans l'un, l'amour de la patrie et des lois retenait les esprits, et que dans l'autre, tout se décidait par l'intérêt et par la force. De là s'ensuivait encore que dans le premier de ces deux temps, les hommes de commandement, qui aspiraient aux honneurs par les moyens légitimes, tenaient les soldats en bride et attachés à la République, au lieu que dans l'autre temps, où la violence emportait tout, ils ne songeaient qu'à les ménager pour les faire entrer dans leurs desseins, malgré l'autorité du Sénat. Par ce dernier état, la guerre était nécessaire dans Rome. Et par le génie de la guerre, le commandement venait naturellement entre les mains d'un seul chef. Mais, parce que dans la guerre, où les lois ne peuvent plus rien, la seule force décide, il fallait que le plus fort demeurât le maître, par conséquent, que l'Empire retournât en la puissance d'un seul.